Il n'y a rien de plus fort et de plus contradictoire que l'amour. Oui, l'amour. Amuna Moto, Natondiwa Bokamba Mene. Ta souplesse et ta tendresse élèvent mon allégresse aux entités célestes. Confession, confession. Amuna Moto, depuis que tu es parti, j'ai perdu tout mon contrôle. S'il te plaît, reviens à moi. Ne me laisse pas tomber. Tu sais que sans toi, chérie, ma vie n'a vraiment plus de sens. Je veux que tu le saches. Que tu le saches. Ah, mon amour, depuis que tu m'as laissé, j'ai perdu tout mon contrôle. S'il te plaît, reviens à moi. Ah, Chouniamibo, ne m'envoie pas balader. C'est que sans toi, chérie, ma vie n'a vraiment pas de sens. Écoute les mélodies que je chante pour toi. Que tu reviennes, que tu reviennes chez toi. Je n'étais pas du tout conscient du danger que je courais. Aujourd'hui, j'ai compris que les amis me trompaient. Achouniamibo, ne me laisse pas comme ça. Tu sais que sans toi, chérie, ma vie n'a vraiment plus de sens. Pas de sens sans toi, chérie. Aujourd'hui, j'ai grandi et j'ai vraiment compris que sans l'amour, il n'y aurait pas de vie. Achouniamoué, ne me laisse pas tomber. Tu sais que sans toi, chérie, ma vie n'a vraiment plus de sens. J'aimerais découvrir les cieux à travers tes yeux et voir le ciel fleurir à travers ton sourire. Zouké, danser, coller, serrer, Claudicia. Anna Châtelain, Châtelain aussi le sait. Je meurs d'amour. mon amour, à moi et à mon amour, à moi et à mon amour.